commencer ? Allons-y ! La marche de l'histoire. Jean Lebrun. Jean XXIII, le pape du Concile. Sa sainteté, le pape Jean XXIII, vous parle. Quand j'étais petit, confesse le pape, j'ai volé moi aussi, une pomme. J'ai eu de la chance, je n'ai pas été pris. De toute façon, je n'aurais pas pu la rendre puisque je l'avais déjà mangée. À la solennité, il opposait la jovialité. Son premier Noël de pape, il le réserve aux prisonniers et il leur confesse que le chapardage et le braconnage, ça le connaît. Diplomate du Vatican pendant 30 ans, il parle avec tout le monde, d'ailleurs il parle tout le temps. Et il désarme les laïcs les plus farouches qui, au bout d'un moment, se retrouvent avec lui à manger la pasta et à boire le raki. Le pape Roncalli, c'est un style, mais c'est d'abord une théologie. Il aime la tradition, mais il croit que l'Église peut être d'autant plus jeune qu'elle est ancienne. Sans doute la cinquantaine de vieux cardinaux électeurs qu'il avait nommés en 1958, imaginait-il que leur choix serait sans conséquence ? Mais le 11 octobre 1962, il y a 50 ans précisément, à Rome toujours, le pape dit de transition a ouvert les fenêtres. C'est près de 3000 pères conciliaires, cette fois représentatifs du monde entier, qu'il réunit pour une bataille qui ne fait que commencer. Le combat, la bataille, ça connaît. Christine Pedotti, bonjour Christine Pedotti. Bonjour. Vous êtes tour à tour éditrice, historienne, polémiste, un livre d'histoire, La bataille du Vatican, chez Plon, un livre plus polémique, Faut-il faire Vatican III ? Et on vient d'apprendre que de la main gauche, vous écriviez en secret sous un autre nom. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Je suis tombée dans l'écriture. D'abord, je vais louer mon métier à cause d'un éditeur, qui était Olivier Orban. Et je me suis mise à écrire de la fiction sur ce monde qui m'intéresse, qui me passionne, qui est celui de l'Église, de la foi. Le monde clérical, lettre d'un évêque à un jeune prêtre, à ouais. ses neveux. Et ça, c'est sous un pseudonyme, Pietro De Paoli. Et on a cru longtemps que c'était lui-même un clerc, fort ouais. bien informé, qui sait peut-être presque italien. Oui, on ouais. a cru ça. Et c'était vous. Voilà. Mais j'ai écrit un livre d'histoire de l'avenir. En étant Pietro, c'était mon premier livre. Dans vos livres, vous maniez souvent l'acide. C'est bien l'acide, ça décape. Mais tout de même, vous conviendrez que l'Église a raison de raconter de belles histoires. Vous savez, comme les communicants politiques qui font du storytelling. L'Église, elle a inventé la fabrication des saints et des bienheureux. Jean XXIII, c'est un bienheureux depuis 2000, proclamé tel par Jean-Paul II. Oui, et ça sera sans doute un saint. D'ailleurs, ceux qui l'ont croisé n'en doutaient pas. C'était une sainteté qui se voyait à l'œil nu. Donc oui, moi je suis très très très contente de venir parler de Jean XXIII aujourd'hui ici. Enfin, parce que sainteté à l'œil nu, c'est quand même un peu fabriqué le récit. On va vous passer quelques extraits d'un film qui date de bien après la mort, en 63, de Jean XXIII. Le film date de 2003. Il est signé Giorgio Capitani. Et ça commence un peu comme les Fioretti de Saint-François d'Assise, sauf que la famille du pape est beaucoup plus pauvre que celle de Saint-François. C'est une famille de fermiers, je dirais même de métayers. Ils sont 13 enfants du côté de Bergame. Angelino, où es-tu avec ce froid ? Rentre à la maison, tu entends ? Angelo ! Quand il y a quelque chose à faire, il n'est jamais là. C'est pas vrai. Ce matin, je lui ai dit d'aller chercher des murs pour les verres. Les murs, tu les as nettoyés ? Oui, mais je voudrais te demander quelque chose. Et le bois pour le feu ? J'y ai pensé, mais... Maman, et écoute... Et le potager ? Oh non, le potager, je l'ai oublié. Angelino, il ne faut pas toujours attendre que les grands te disent ce que tu as à faire. Il faut y penser tout seul. Oui, maman, j'y vais. Angelo ? Oui ? Qu'est-ce que tu voulais me dire ? Quand je serai grand... Oui, je sais. Tu seras un paysan, comme ton père, comme ton grand-père, comme toute la famille Roncalli. Non, maman. Non ? Qu'est-ce que tu veux être ? Quand je serai grand, je voudrais être un pauvre prêtre de campagne. Pauvre, tu l'es déjà. Et aussi à la campagne. Quant à devenir prêtre, on verra. chanter les coqs, jouer violon, raisonner musette. La famille n'a même pas eu assez d'argent pour prendre le train pour assister à l'ordination en 1904. Oui. Ça, c'est intéressant parce que c'est une sorte de monde immobile que ce son nous donne. Et en même temps, Jean 23, c'était quelqu'un qui aimait l'histoire passionnément. Il a été professeur d'histoire, d'ailleurs. Il a été professeur d'histoire. Quand il était jeune prêtre. Oui, oui. Et donc, au fond, il aurait pu être marqué par cette immobilité, être un homme qui aurait été plein de nostalgie. Or, en fait, c'était un homme qui, à la fois, aimait l'histoire et aimait l'avenir. Oui, l'histoire, c'est ce qui ne se répète pas. On ne revient pas au passé. Il faut attendre l'inattendu. Enfin, il a quand même, au début, une carrière très classique. Hein, secrétaire d'un évêque remarquable à Bergame. Mmh. Fonctionnaire de la curie à Rome, avec son intérieur tenu par ses sœurs. Il ne lève jamais les yeux sur les femmes. Ça doit être un désir de perfection, peut-être. Pour autant qu'on sache, absolument. Mais c'est vrai qu'il a été éduqué dans des séminaires dans lesquels les règles étaient très strictes. Hein. On marchait les yeux baissés avec un maintien ecclésiastique. Il a failli être un prêtre du moule tridentin. Quand on lit, de 30. Oui, quand on lit d'à peu près son journal, on s'aperçoit qu'il y a un vrai moment de conversion à ce qui arrive assez tôt dans sa vie, à peine au moment de son ordination, un tout petit peu avant, où il se rend compte que la sainteté, qui est vraiment son programme de vie, c'est pas quelque chose vers lequel il va se hisser, mais auquel il va s'abandonner. Et je crois que ça marquera le reste de sa vie. Accepter. Oui. Alors quand le pape Pie XI le convoque, nous sommes maintenant au milieu des années 1920, pour lui donner un poste diplomatique qui n'est pas de premier ordre, que faire sinon obéir? L'Église a besoin de saints, mais aussi de bons organisateurs. C'est pour ça que nous avons décidé de vous envoyer en Bulgarie. En Bulgarie? Oui, les catholiques en Bulgarie ont des difficultés avec les orthodoxes, et de plus ils sont peu nombreux et ils sont divisés. Cela demande de l'ordre. Voilà. Je vous prierai de remettre un peu d'ordre, justement. Moi? Mais vraiment, je... Je vous comprends. Le siège est loin, dans une région hostile, sans beaucoup de perspectives. Non, c'est pas pour ça. Et je sais aussi que votre vocation serait plutôt les études et la prière. Votre sainteté, je ne sais pas si je serai à la hauteur. Nul n'est à la hauteur de sa tâche. Pas même moi. C'est l'aide de Dieu qui nous est précieuse, mon cher évêque. Votre sainteté, je ne suis pas évêque, je ne suis qu'un prêtre. Ah, je ne vous l'avais pas dit, je vous ai promu évêque. Vous continuez de lever les yeux au ciel, Christine Pedotti, c'est toujours le même film. C'est ainsi que, 10 ans en Bulgarie, plus tard 10 ans délégué apostolique en Turquie, va devenir un habitué de l'Orient Express, sans toujours lever les yeux vers les femmes. La Bulgarie, c'est un pays d'orthodoxes. Oui, il n'y va pas de gaieté de cœur. Hein. Il trouve ça triste, d'abord parce qu'il est attaché à l'Italie, il est attaché à sa famille. Donc en cela, il y a des choses vraies dans ce petit extrait. Il y découvre la différence, qui est l'orthodoxie. Il y découvre aussi une position assez réservée du catholicisme. C'est pas du tout une position triomphante. Au fond, quand on est catholique en Italie, on est dans une position centrale. Et quand il est en Bulgarie, il s'aperçoit qu'en fait, il est dans une position de modestie obligée. D'ailleurs, le pape XI, effectivement, lui demande d'être évêque pour au moins avoir un petit peu d'autorité. Évêque en titre, oui. Sans diocèse. Sans diocèse. Mais ces orthodoxes qu'il rencontre, pour un Italien, c'est des barbus, interchangeables, qui racontent une histoire incompréhensible, qui parlent des langues inconnues. Oui, c'est sans doute ça, mais lui, il va aller plus avant, il va les rencontrer, effectivement. Il va trouver ce qu'ils ont en commun. Finalement, il va aussi se pencher vers cette tradition ancienne, parce que l'orthodoxie, c'est quand même 1000 ans de tradition commune avec le catholicisme. Et c'est là où le tempérament historique de Jean 23 va se tourner vers cette tradition. Ça aura des répercussions, cette expérience, oui, au moment du concile, parce qu'il a appris que le mur qui séparait des chrétiens non catholiques, il fallait le faire disparaître brique à brique, et qui au temps du concile donnait un grand coup. Je crois que ça a été vraiment une expérience fondatrice pour lui. De cette étrangeté et puis en même temps de ce fond commun chrétien et l'ardeur œcuménique de Jean 23, elle naît de cette rencontre avec l'orthodoxie. Milieu des années 30, il est nommé en Grèce et surtout en Turquie. Alors là, c'est l'expérience de la laïcité. Oui, il retire sa soutane. Bah oui, parce que Kemal Atatürk ne veut pas de barbe, ne veut pas donc de fez, et pas de soutane. Voilà, tout à fait. Et donc il va se promener en Pékin, en Kidam. Et là, il ressemble à un homme d'affaires qui mange beaucoup de pasta, parce qu'il approche des 100 kilos déjà maintenant. Oui, il a toujours eu un problème avec un coup de fourchette de paysan, alors qu'en fait, c'est un intellectuel. Mais l'historien, là, fait l'expérience de la déréliction pendant les années 40, parce que la Turquie, c'est un carrefour d'espions, et puis c'est le lieu par lequel voudraient transiter les Juifs pour rejoindre la Palestine. L'ambassadeur d'Allemagne, son interlocuteur, est un homme politique important, puisque c'est l'ancien chancelier von Papen, issu de l'extrême droite catholique. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius, Spiritus Sanctus. Amen. Je suis l'ambassadeur du Reich. Je suis là seulement parce que je suis un bon catholique. Pourquoi alors faites-vous bloquer le train par les autorités turques ? Il y a des citoyens allemands qui ont quitté illégalement le territoire de leur pays. Ils doivent rentrer immédiatement. Nous verrons ça plus tard. La juridiction de nos concitoyens ne concerne que nous. La Turquie est un pays neutre. C'est exact. Si vous laissiez passer ce train, ce serait considéré par le Führer comme une déclaration de guerre contre l'Allemagne. Quelle précipitation, colonel, quelle précipitation. Vous connaissez la Bible ? Évidemment. Et vous la considérez comme un texte sacré ? Oui, bien sûr, le texte sacré par excellence. Mmh. C'est aussi le guide du peuple hébraïque. Vous savez que les Hébreux aujourd'hui sont les ennemis mortels du Troisième Reich. Dans la Bible, il est écrit que la précipitation conduit l'homme à la ruine. On n'est pas pressé. Le train va rester en plein soleil sans la moindre goutte d'eau et sans ravitaillement jusqu'à ce qu'il fasse machine arrière. À von Papen, avec qui il négocie, avec, à Boris III, le roi de Bulgarie, avec qui il négocie aussi, à l'époque, un allié d'Hitler. Il tient, Monseigneur Roncalli, à langage diplomatique, pas de précipitation. À la réflexion, plus tard, il dira, il aurait peut-être fallu faire plus vite. Oui. Et aller plus loin. Il a essayé, il avait bien la conscience qu'on pouvait exfiltrer des Juifs des Balkans, par les Balkans. Ça a été assez compliqué. Il a obtenu d'en exfiltrer un certain nombre. Il a demandé à Rome, on a des traces, où il demande que ce soit fait. Il y a une grande réticence du côté de Rome. Bah oui, parce que Rome a le souci, n'est-ce pas, de la protection des lieux saints. Oui, alors ça inquiète beaucoup Rome qu'il puisse y avoir beaucoup de Juifs en Palestine à cause des lieux saints. Aujourd'hui, c'est vrai que face à la tragédie qui se déroule, on trouve que l'argument est un peu faible. En tout cas, la réflexion sur le judaïsme qui va émerger ensuite, pendant le Concile, après 1962, elle naît là, chez Roncalli, l'idée que les Juifs ne sont les fils aînés tout à de fait. La promesse. Alors, on pense souvent que l'intérêt pour les Juifs naît d'une rencontre totalement décisive avec Jules Isaac, qui vient le voir en 60, mais quand on y regarde de près, c'est pas tout à fait vrai, puisqu'on se rend compte qu'il est élu en 58, et qu'à Pâques 59, quand il célèbre le Vendredi Saint, il omet la phrase sur le peuple déicide. En 1944, il quitte Istanbul pour se retrouver au premier poste de la diplomatie vaticane, à Paris, où il va retrouver Claudel, qui dit le génocide, c'est un événement inauguratif et culminant à la fois, mais il a pour charge d'éviter la trop grande épuration des évêques. Oui. Il réussit parfaitement, c'est un très bon diplomate. Alors, il passe du plus bas de l'échelle dans la diplomatie vaticane au plus haut, c'est le plus beau poste de Paris. De Gaulle et les démocrates chrétiens du MRP voudraient bien éliminer tous ces évêques qui n'ont pas été dignes de leur poste. On dit qu'il y a 40 noms sur son bureau quand il arrive à Noël 44. Il laisse passer le temps, et le temps dissout bien des problèmes, puisqu'au bout du compte, je crois qu'il y en aura 7. Oui, et pas nécessairement les plus importants. Il y a celui de Saint-Pierre et Miquelon, par exemple. Oui. Excellent politique, remarquable acteur. On dirait un bourdon qui vole sans arrêt et qui ne se pose jamais. Il séduit tout le monde. Oui, d'ailleurs il a laissé à Paris les souvenirs d'un type absolument fréquentable, qui d'ailleurs fréquente tout le monde. Pas spécialement progressiste du tout. À l'époque, Rome prépare la condamnation des prêtres ouvriers, et au fond, on n'a aucune trace à ce moment-là d'une réticence de sa part. C'est plutôt lourde que l'action catholique et les prêtres ouvriers. Oui, la devise de Jean XXIII, c'était « paix, obéissance ». Il a été très très obéissant. Mais l'historien qu'il est sait qu'il faut attendre l'inattendu. Oui, alors la chanson, il y a toujours une musique au milieu de notre émission. Elle n'est pas exactement inattendue. Parce que le concile dont on va parler va durer bien des années, au-delà du bref règne de Jean XXIII, va produire tout un corpus de textes sur tous les sujets possibles. Les textes sur la liturgie vont insister sur la célébration face au peuple. Mais il n'y a rien à faire. L'image qui demeure, en tout cas dans l'esprit de Jacques Sigal, notre tout-puissant réalisateur, c'est le passage du latin aux langues vernaculaires. La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. Tempête dans un bénitier, le souverain pontife avec les évêques, les archevêques, nous font un satané chantier. Ils ne savent pas ce qu'ils perdent, tous ces fichus calotins. Sans le latin, la messe nous emmerde. À la fête liturgique, plus de grande pompe soudain. Sans le latin, plus de mystère magique. Le rite qui nous envoûte s'avère alors anodin. Sans le latin, et les fidèles s'en foutent. Ô très sainte Marie, mère de Dieu, dites à ces putains de moines qui nous emmerdent sans le latin. Jean XXIII, qui aimait bien les pompes romaines, avait déjà introduit quelques mots de bulgare, le bougre, dans la liturgie qu'il célébrait quand il était délégué apostolique à Sofia. Maintenant, le voilà qui, après avoir été patriarche de Venise, c'était au lendemain de son départ de Paris, 53-58, va devenir pape par accident, non ? Ah mais tout à fait, il prend un billet aller-retour, nous dit son secrétaire, qui par parenthèse est toujours vivant, dont Loris Capovilla, bientôt centenaire. Donc il prend Venise, Rome, aller-retour, il va au conclave, voter, certainement pas devenir pape. Au cours du conclave, il sait que ça va arriver. C'est un tout petit conclave, hein, il y a 54 cardinaux, aujourd'hui il y en aurait 120. Et ça peut avoir la réunion internationale que sera le concile. Les 50 électeurs sont pour moitié octogénaires, j'espère. Oui, bien sûr. Et pour une grande part italien. En tous les cas, il était inenvisageable d'élire un pape qui ne serait pas un italien. Et on l'élit, il a 77 ans. Et 102 kilos. Et 102 kilos. C'est seulement au soir du 28 octobre qu'une fumée d'abord indécise annonçait à la foule romaine l'élection attendue. Puis, la foule voyait s'ouvrir la baie centrale de Saint-Pierre et le cardinal Canali apparaissait pour annoncer le nom de l'élu. Le papam, sante romane ecclesie, cardinal Meroncalli. C'est comme un rêve, et pourtant ce sera jusqu'à ma mort la grandiose réalité de ma vie. 300 000 personnes m'acclament. Les projecteurs m'empêchent de voir autre chose qu'une masse informe. Quel moment m'est venue une idée. Et rientrando. En cet instant, quand il est revenu du balcon, il m'a confié, aveuglé par toute cette lumière, je me suis dit, si tu n'es pas humble et doux en ton cœur, là tu deviendras vraiment aveugle aux problèmes et aux misères du monde. Ceci est un rêve, on a entendu un bref extrait du journal de Jean XXIII. Anna Arendt a écrit, vous savez ça. Vous m'avez dit. Moi, je l'ai appris grâce à Frédéric Martin, qui a fouillé dans la bibliothèque de Radio France. Un long texte sur Roncalli, publié dans Vie politique. Et elle dit, quand on ouvre ce journal, qu'on appelle le journal de l'âme, c'est à la fois vieillot et neuf, repoussant et fascinant. Alors, c'est vrai qu'il a écrit un journal toute sa vie. Donc, il y en a d'innombrables tomes. Le style est terriblement désuet. Et en même temps, c'est d'une fraîcheur, à certains instants, qui est extraordinaire. Je pense pas qu'une seule seconde, il ait pensé qu'il serait lu. Donc c'était vraiment une confession de lui-même à lui-même. Et c'est une source absolument considérable, enfin, et très très émouvante. Voilà, il y a quelque chose de vrai, et c'est vrai que le style est assez terrible. Ça vous produit l'effet de Sainte-Thérèse de Lisieux. Oui, tout à fait. Style fleuri, à certains égards insupportable. Tout à fait. Et le fond. Et le fond, alors évidemment, ce qui nous intéresse le plus dans le journal, c'est ce qu'il écrit quand il devient pape, parce qu'on y lit là, tout d'un coup, l'abandon. Parce que à qui est-ce qu'on obéit quand on devient pape ? Il a obéi toute sa vie, et la question qui va se poser à lui, c'est à quoi j'obéis quand je deviens pape? Et c'est cette question, finalement, qui va le hanter à travers tout le journal qu'il va écrire vers le Concile. Il y a un moment dans le journal où, après plusieurs nuits sans sommeil, il se réveille quand même, au bout d'une heure, et il dit « Angelo ». Non, Giovanni, il faut qu'il corrige. Cesse de te prendre au sérieux. Et alors, Hannah Arendt dit « Tout le monde a une anecdote drôle à Rome sur le compte de Jean XXIII ». Oui. Les médias ont adoré Jean XXIII immédiatement, parce que d'abord il parlait, on comprenait ce qu'il disait, et puis effectivement il parlait davantage en images qu'avec des concepts. Donc par exemple quand il a parlé du concile, à plusieurs reprises il a ouvert la fenêtre, quand je lui demandais qu'est-ce que c'est que le concile, il y a tellement de gens qui ont raconté l'anecdote qu'on est sûr qu'il l'a fait plusieurs fois. Aujourd'hui on dirait renverser la table. Oui absolument, et il aurait pu renverser la table d'ailleurs, il tapait sur la coudoir de son fauteuil en disant il faut secouer les vieilles poussières de l'Empire, et quand ses interlocuteurs avaient l'air d'attendre la suite, il disait facétieux Romain, l'Empire romain. Voilà. Alors voilà un historien qui sait que à Constantinople, où il a été délégué apostolique, il ne reste rien de Constantin, qui accepte que le passé ne revienne pas. Et il emploie un mot, aggiornamento. Aggiornamento. Oui, mise à jour. Alors on emploie ce mot-là parce que dans l'Église, le mot réforme est un mot interdit. Hein. C'est un mot tabou. Les réformés, c'est les protestants. Alors chez les catholiques, on évite d'utiliser le mot. Donc il faut trouver un autre mot. Il utilise celui-là, qui est celui de mise à jour. Moi, je trouve qu'en fait, on le comprend facilement aujourd'hui parce que on est obligé de débugger nos logiciels, de les upgrader. Voilà. Donc il aurait pu dire ça. Hein. Je vais débugger et upgrader l'Église pour le dire aujourd'hui. Je crois que c'est vraiment ça qu'il souhaite faire. Alors, il veut mettre à jour les façons de dire les choses. Autres est notre vénérable doctrine. Autres les mots pour l'exprimer, dira-t-il le jour de l'ouverture du concile, il y a juste 50 ans. Et ça sera la feuille de route du concile. Évidemment, Jean XXIII n'a pas une seule seconde pensé qu'il faisait une rupture. Mais avant de parler du concile, il y a des textes qui demeurent. Les encycliques, on les connaît par les premiers mots en latin, oui, qui les caractérisent. Mater et magistra, pacem in terris. Oui. Ce sont les textes qui sont encore importants. Voilà un pape, historien, qui dit « la guerre ne s'accorde pas avec la raison ». Alors que souvent, on vous présente l'histoire comme une terre de sang, qui nécessairement aboutit à des guerres. Alors, on peut dire qu'il y a une forme d'optimisme chez Jean XXIII. On pourrait penser que c'est aussi appuyé sur la foi et l'espérance. Dans Pacem in Terris, la chose la plus singulière, c'est que pour la première fois, il va s'adresser aux hommes et aux femmes au-delà des limites du catholicisme. Alors qu'on ne s'adressait qu'aux catholiques, il va s'adresser à tous les hommes et les femmes de bonne volonté. On a du mal aujourd'hui à se représenter ça, parce que les papes ont l'air de parler à tout le monde. Et c'est la première fois qu'un pape s'adresse comme ça à l'ensemble de la communauté humaine. Et donc, en fait, cette unité du genre humain, cette unité de la communauté humaine, est quelque chose qui habite Jean XXIII, sans doute marqué par la conscience très lourde de cette guerre effroyable et fratricide où il a été aux premières loges. Christine Pedotti, dans votre bataille du Vatican, le livre qui vient de paraître chez Plon, vous racontez la préparation du concile. Alors, c'est un homme qui aime la tradition aussi, et quand il dit « je vais convoquer un concile », au fond, même les plus conservateurs n'étaient pas opposés à l'idée de la convocation d'un concile. Parce que un concile, c'est toujours la continuation des autres conciles. Vatican I, il y a eu un concile en 1870. Et puis, les États pontificaux ont été submergés par l'Italie. Il y a eu un orage terrible. Et le concile s'est arrêté. Et on se dit, Vatican II va poursuivre Vatican I, qui n'a produit qu'un seul texte mémorable, l'infaillibilité pontificale. Oui, enfin, un autre sur le Seigneur Jésus, mais bon. Oui, on peut. Alors, non, en fait, on ne pense pas tout à fait que ce soit la continuité. Ça sera d'ailleurs un débat, de savoir si c'est la poursuite de Vatican I ou si c'est un nouveau concile. C'est clairement un nouveau concile. Mais c'est vrai que tant qu'il n'est pas réuni, on pense que ça va être un concile qui va, en fait, d'une certaine façon, solidifier tout ce que le prédécesseur de Jean XXIII, Pie XII, a fait. En théologie. 11 octobre 62. C'est l'ouverture. Il y a encore une sedia gestatoria, oui. C'est ce qui précède la papa mobile, qui est portée sur les épaules des hommes. Alors Jean XXIII a l'art d'ailleurs d'en parler. Ça me rappelle mon papa quand il me montrait la vigne et que je grimpais sur ses épaules. Le Saint-Père vient enfin porter sur la sedia gestatoria et s'avance lentement sur le parvis, bénissant sur son chemin des dizaines de milliers de fidèles, avant d'aller ouvrir le concile qu'il a convoqué par un discours où il met l'accent sur la mission de paix et de miséricorde de l'Église catholique universelle. Ils prétendent que notre époque est bien pire que certaines époques plus lointaines. Et ils se comportent comme s'ils n'avaient absolument rien retenu de l'histoire, alors que l'histoire est le meilleur des professeurs de vie. Nous nous sentons tenus de contredire ces prophètes de malheur, qui annoncent toujours des événements infortunés, comme si la fin du monde était déjà là. Quand cet observateur ou invité assiste à la cérémonie inaugurale du Concile, les observateurs ont été délégués par l'Église copte d'Égypte, l'Église orthodoxe syrienne, l'Église orthodoxe d'Éthiopie, l'Église arménienne, l'Église russe de l'extérieur, l'Église vieille catholique, la communion anglicane, la fédération etc., mondiale... Etc., etc. Les observatrices féminines, ce sera plus tard. Mais ces observateurs, frères séparés, c'est très important. On retrouve l'idée de la Bulgarie. C'est la première bataille gagnée par Jean XXIII sur les habitudes. Il a réussi à faire inviter les frères chrétiens non catholiques. Ça a été 3 ans d'une bataille âpre avant que le cardinal Béat obtienne les invitations en septembre 1962. Et ça va tout changer. Cardinal chargé notamment de l'unité des chrétiens. Quand on entend Benoît XVI aujourd'hui, vous publiez aussi un livre où vous recommandez « Faut-il faire ?» Vatican III, c'est chez Talandier, Christine Pedotti. On entend un pape qui n'aime pas beaucoup le monde moderne. Là, le discours historique de Jean XXIII, est-ce qu'on peut dire qu'il est fondé sur l'idée de réconciliation avec le monde moderne? C'est pas exactement comme ça qu'il parle, mais il aime le présent. Oui, il aime le présent, et je pense même que davantage encore, il aime l'avenir. Ce vieux monsieur tourne les pages de la tradition pour l'ouvrir à l'avenir. Et je pense que c'est ça qu'il caractérise le plus, me semble-t-il, et c'est ça qui d'ailleurs il va obtenir. Il sait que la tradition n'est là que pour nous faire écrire les pages d'après. Et c'est ce qu'il espère faire avec le Concile, parce que c'est quand même une sacrée page dans la tradition de l'Église, ce Concile. Ce vieux monsieur ne connaîtra que la première session, il mourra avant la seconde, dans un grand concours d'émotions internationales, le 3 juin 1963. Et parmi ses derniers mots, je pense que ça pourrait être une très belle devise pour la marche de l'histoire. Chaque jour est un bon jour pour naître, chaque jour est un bon jour pour mourir. Merci à vous, Christine Pedotti. Merci. Nous vous accordons à tous de bien bon cœur, chers fils de France, une paternelle bénédiction apostolique. Santi apostoli Petrus et Paulus, decorum potestate et autoritate confidimus, ipsi intercedam pro nobis ad dominum. Et bénédiction singulière pour Jacques Sigal, Frédéric Martin, Franck Olivard, Camille Poux, Jean Aguier, Archive Martin Penet aussi, et Cédric Lalanne et Ronan Mahé à la technique aujourd'hui.